un 23e numéro de l'émission Living in the Past. 3 heures d'aventure musicale. Jean-Marie en votre compagnie jusqu'à midi. Et bonne nouvelle, vous pouvez d'ores et déjà noter que en mai, je serai aussi présent, bien naturellement, dans 15 jours, le 22 mai, mais aussi le lundi 29 mai. Alors, comme d'habitude, notre programme est naturellement bien fourni et relativement varié. Jugez plutôt. Dans notre rubrique Le Rock Made in France, nous évoquerons la complicité et la relation quasi fraternelle qui unissait Alain Bachung et son parolier fétiche Boris Bergman. Nous parcourrons également l'histoire de la création d'album Unplugged d'Eric Clapton de 1992. Sans oublier, bien entendu, d'ouvrir notre grand livre d'anecdotes, d'épingler quelques événements qui se sont déroulés un 8 mai, de célébrer l'anniversaire de plusieurs artistes et groupes. Et en fin de matinée, nous découvrirons aussi quelques nouveautés et nous annoncerons naturellement quelques dates de concerts qui ont retenu notre attention. Ne changez rien, qu'est-ce qu'on est bien sur RQC. Living in the Past. Du rock made in France. Et aujourd'hui donc, notre séquence Le Rock Made in France est consacrée à la complicité qui a animé Alain Bachung à son parolier fétiche Boris Bergman. Boris Bergman, c'est un de ses paroliers les plus originaux sans doute, à cause de ses origines à la fois françaises, russes, askénazes. Il a grandi en Angleterre et parle couramment 8 langues, dont le japonais et le mandarin. Mais c'est en français et pour son interprète le plus célèbre, Alain Bachung, qu'il a écrit les paroles les plus stupéfiantes. Boris Bergman a écrit des tubes énormes pour bon nombre de chanteurs ou de groupes. Citons au hasard les Aphrodite Childs, Dalida, Nicoletta, mais en Bachung, il avait trouvé un frère. Criblé de double sens, de collages surréalistes, mais aussi de calembours, ses paroles à tiroir ont contribué à inventer un nouveau langage, celui de la chanson rock d'expression française au début des années 80. Tout est devenu étrangement calme, les fakirs traversent dans les clous. Tu m'as dit vas-y beau blond, les lave-vaisselle en plus de Marco Coup. Ma bignole rock et folk, ses bigoudis vont friser l'accident. Elle monte plus ses dents d'elle grise en hurlant. Et la grosse du président, tu crois qu'elle nous porte du collant? Pardon, les relations entre Alain Bashung et son parolier Boris Bergman ont parfois été houleuses, faites de ruptures et de réconciliations. Après avoir fait diverses tentatives, notamment avec Gainsbourg, le rocker Bashung appelle à la rescousse son vieux complice sur l'album Passé Rio Grande. En 1986, et on y trouve des chansons comme « L'arrivée du tour », « Ce n'est aux paroles totalement mystérieuses », jugez plutôt « Ce n'est qu'un arrosoir », un tomahawk sur l'armoire, mais qu'est-ce que tu tapines en bourre ? Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Ces demoiselles au parloir, sonnez, résonnez, musette, à nous de la victoire. Loin les cul-jack, ça court les rues, à la poursuite du monde zombie. Non, y'a pas le feu au QG, non, y'a pas le feu au QG, le feu au QG. Ce n'est qu'un arrosoir, un tomahawk sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais, mais tu tapines en bourre. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Pas de minuit, midinette, rendez-vous les séchoirs. marque sur l'armoire. Qu'est-ce que tu fais, mais tu tapines en boucle. Pas du tout, c'est l'arrivée du tour. Et maintenant, j'espère que vous n'avez pas trop le vertige de l'amour. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Du choc de sué à Saigon. Je m'écris des cartes. De l'amour. Et certains journalistes ont voulu réduire le grand Boris Bergman à ses jeux de mots, à ses calembours, alors qu'il s'agit avant tout d'une recherche de sonorités inattendues collant avec la musique et sertie d'allusions érudites. Prenez par hasard la chanson Duane Eddy qui fait entre autres allusion au guitariste Duane Eddy, à l'acteur Robert Mitchum, à la chanteuse Miss Tinguette et à un film d'Alain René. Rien que cela, Duane Eddy. Elle passe la douane avec Eddie Bandel l'après-midi. Je brûle un cierge à Saint-Denis, d'avance merci. Je rêve tout haut sur une grande échelle depuis que le pont qui casque. Pas de nouvelles, nouvelles vagues, l'année dernière à marée basse. Elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée. Tellement beaucoup qu'elle a plu. Get up, get up. Mistinguette, Mitchum, mes raisins, les yeux fermés, j'achète

Et c'est avec ce titre que nous refermons notre séquence Le Rock Made in France, en ayant une petite pensée pour nos amis auditeurs français. Les pauvres, vous êtes vachement sollicités ces derniers temps et visiblement c'est pas fini. Hein, vous avez désigner un nouveau président, en l'occurrence Monsieur Macron. J'espère que vous n'avez pas trop fait la fête, que vous n'avez pas trop la migraine, ou que vous n'avez pas tout simplement noyé votre chagrin à cause de cette nomination. Et malheureusement pour vous, ou heureusement, c'est selon, vous allez remettre le couvert en juin avec les législatives. Ça ne risque pas d'arriver en Belgique, quatre fois voté sur un gros mois de temps. Mais voilà, c'est tellement important et je crois qu'aller voter est un acte civique. L'heure maintenant d'ouvrir à nouveau notre grand livre de souvenirs et nous rappeler que le 8 mai 1964, les Beatles étaient numéro 1 aux États-Unis pour 14 semaines. En fait, trois de leurs singles vont se succéder les uns après les autres à la tête du classement. Il y a tout d'abord « I Want to Hold Your Hand », 7 semaines en tête. « She Loves You », 2 semaines. Et « Can't Buy Me Love », 5 semaines. Et pour commencer, un petit mot à propos de « I want to hold your hand » qui est le premier titre des Beatles à avoir grimpé en tête des charts américains. Son succès a précédé de quelques jours l'arrivée fracassante des Fab Four aux États-Unis. Il ouvrira une longue série de succès pour le groupe sur cet immense marché et agira en précurseur à ce que l'on appellera la British Invasion. Something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, feel happy inside. It's such a feeling that my love you she's thinking of. And she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her, because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Alors, Beatles toujours, le 8 mai 1970, une page de l'histoire de la musique se tourne définitivement. Les Beatles sortent leur dernier album studio, Let It Be, qui s'achève sur ce titre, Get Back. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah. Judd. The picker. The picks of the fingers, great. Okay. Attention, c'est pas fini. Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce petit défaut technique, mais j'étais précisément au téléphone avec Michel, un de nos plus fidèles auditeurs, à qui je dis maintenant au revoir. Il est malheureusement dû interrompre un peu brutalement la conversation. Et donc je vous rappelle que vous pouvez, le cas échéant, aussi nous faire un petit coucou en nous téléphonant ici à la radio. Et pour continuer notre page souvenir, notre page anniversaire, malheureusement, nous nous replongeons sur un triste anniversaire, un triste 8 mai 1974, où le claviériste anglais Graham Bond se suicide en se jetant sous le métro londonien. Oui, oui, oui. La police a mis 2 jours pour l'identifier. Il a été un membre un temps du groupe Blues Incorporated avant de fonder le Graham Bond Organization avec Ginger Baker à la batterie et Jack Bruce à la basse. Que des grands noms. Baby, yeah, baby, a gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, you're gonna be a son of a gun, gonna make all you pretty females jump and shout. mess with you, baby. Gonna make all your pretty chicks come and take me by my hand. The whole world ain't gonna know I'm a hoochie coochie man. Hey, hey, hey. Everybody knows I'm out. Well, I'm a hoochie coochie man. Oh, everybody knows I'm out. On the 7th month, on the 7th day, on the 7th hour, 7 doctors say you are born for good luck. Yeah, we can't see. Well, I got $700. Don't you mess with me. Hey, hey, hey. Everybody knows I'm out. But I'm a hoochie coochie man. Everybody knows yes, I'm here. Voilà un auditeur de d'Aluin ici au bout du fil qui vient de nous souhaiter le meilleur et voilà, il est aussi un fidèle de l'émission comme beaucoup d'entre vous maintenant. Nous poursuivons notre périple et notre séquence anniversaire du 8 mai et avec le groupe ABBA. ABBA, le 8 mai 1976, ABBA était en tête avec Fernando et au même moment, leur album Greatest Hits était en tête en Angleterre pour 9 semaines. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. You were to fight for freedom in this land. Voilà, c'était ABBA avec Fernando. Et toujours le 8 mai, mais en 1993, l'album Get a Grip d'Aerosmith était numéro 1 aux États-Unis. Et il se vendra au total à plus de 20 millions d'exemplaires. Il obtiendra aussi 2 Grammy Awards. Et avant de lancer ce morceau Crazy, extrait de Get a Grip de 1993, eh bien, mes amitiés à Françoise qui vient de nous appeler de Lincel. Et une fidèle auditrice également, à qui je remets nos amitiés de Moucron et de la radio. Voici Aerosmith. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans la programmation. C'est avant Aerosmith. Ce sera d'abord les Yardbirds et Hurtful Soul. Yeah. Aerosmith et Crazy, un titre véritablement imparable de 1993, paru sur l'album Get a Grip. Et auparavant, il y avait les Yardbirds pour célébrer l'anniversaire de son bassiste Paul Samuel Smith, qui est né le 8 mai 1943 et qui est également un des membres fondateurs de ce groupe célèbre. Groupe célèbre qu'il quittera malgré tout en 1966 pour se consacrer à la production. Et pour suivre deux titres qui devraient normalement plaire à notre auditrice Françoise, à notre fidèle auditrice Françoise que je viens d'avoir au bout du fil, qui nous a envoyé son petit coucou et quelques suggestions. Je n'ai malheureusement pas de titre de REM ou véritablement de titre de rock and roll ici aujourd'hui prévu dans la programmation. Par contre, j'ai ce superbe titre de T-Rex, Hot Love, de 1971, pour célébrer l'anniversaire du batteur de ce groupe de glam rock T-Rex, Bill Legend. Et c'est aussi le même jour que venait au monde l'icône du glam rock, toujours Gary Glitter, né dans l'Oxfordshire en Angleterre, et qui nous interprète Rock and Roll, un titre de 1972. She's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. She's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but may I hold your hand? un disque qui met véritablement de bonne humeur et un autre maintenant rock and roll qui déménage. Ah, y a pas à dire, ça vous remet les... tout en place, cette petite séquence glam rock, ça fait véritablement du bien pour le moral. Et tant qu'on en est à célébrer les anniversaires, bon anniversaire aussi à Chris Frantz, le batteur de Talking Heads, qui est né le 8 mai 1951. Et également à Philippe Bailey, né le même jour. Et il est le leader d'Earth, Wind and Fire, mais aussi connu pour son duo avec Phil Collins et An Easy Lover. Pour commencer, Talking Heads and Psycho Killer. Teaser, 7 minutes sur les ondes d'RQC. Run, run, run. Et ça continue toujours à bien bouger sur les ondes d'RQC. On change de style. Philippe Bailey, Phil Collins, and An Easy Lover. Easy love. vais poursuivre Fleetwood Mac, Say You Will. Ce titre, Say You Will de Fleetwood Mac, pour célébrer l'anniversaire d'un des plus brillants guitaristes membres de Fleetwood Mac de 1987 à 1995. J'ai cité Billy Burnett. Il est en effet le 8 mai 1953. Et le même jour venait au monde un certain Alex Van Halen, grand frère du Guitar Hero, Eddie, avec qui il fondera le groupe Van Halen. La légende veut que les deux frères aient un jour interverti leur instrument. Étant incapable de s'en servir correctement, Alex s'est essayé sans grand résultat à la guitare, tandis qu'Eddie s'exerçait à la batterie. Ils ont bien fait d'échanger. Living in the past. Mad in rap. Et on poursuit avec Van Halen. You really got me. Thank you. quel riff! Attention, ça va démarrer! Et vous avez reconnu cette sublimissime reprise du titre des Kings, You Really Got Me, interprété ici par le groupe Van Halen. Et tant qu'on en est à parler de batteur, voici un autre batteur, Dave Rowntree, membre du groupe britannique Blur, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Il est né le 8 mai 1964. Tout comme Joe Bonamassa, né lui le 8 mai 1977, guitariste de blues, il est aussi guitariste du supergroupe Black Country Communion, formé en 2009, entre autres par Glenn Hughes et Jason Bonham. Mais voici pour commencer Blur avec un titre extrait du premier album de la formation, album de 1994, Park Life, le titre This Is Low. Ce n'est pas très connu, mais c'est véritablement super. En tous les cas, c'est un titre que j'aime particulièrement. Taxi ride. Et voici pour suivre Joe Bonamassa et son groupe Black Country Communion, Song of Yesterday. Thank you. n'y a pas à dire, Joe Bonamassa, c'est quand même quelque chose, c'est à mes yeux l'un des meilleurs guitaristes du moment. On l'a retrouvé ici dans le super groupe Black Country Communion, et un titre extrait de leur album de 2010 qui s'intitule d'ailleurs Black Country, c'était Song of Yesterday, et les chansons d'hier, c'est un peu la marque de fabrique de votre émission préférée, Living in the Past. On se fait toujours beaucoup de petits plaisirs en vous repassant des titres qui nous rappellent toute notre jeunesse. Et pour terminer cette plantureuse séquence anniversaire, on se souvient maintenant de deux artistes qui auraient fêté ce 8 mai leur anniversaire. Tout d'abord Robert Johnson, un des pionniers du blues, qui est né en 1911. Une légende dit qu'il aurait obtenu ses dons extraordinaires de guitariste en vendant son âme au diable. Une autre légende dit qu'il aurait été empoisonné par le mari d'une femme qu'il avait courtisée. Sa biographie est moins affirmative sur ce plan-là. Une chose est certaine, il a eu une influence majeure sur des artistes comme Muddy Waters, Elmore James, Keith Richards et Eric Clapton. Et le titre que nous allons écouter maintenant, Crossroad, c'est lui. On retrouve précisément ce titre interprété par Eric Clapton dans la version de 1968 de son groupe Cream sur l'album Wheels of Fire. Cream, Crossroad. Down to the cross. sinking down. C'était donc Mr. Eric Clapton et son groupe Cream dans une interprétation d'un titre de Robert Johnson, Crossroad. Et nous terminons cette séquence anniversaire en nous souvenant que Ricky Nelson, une vedette de rock'n'roll des années 50, aurait aussi fêté son anniversaire un 8 mai. Il est malheureusement décédé le 31 décembre 1985. Nous le retrouvons ici avec un titre de 1959, tout en douceur, Lonesome Town, Ricky Nelson. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Et c'est avec ce titre de Ricky Nelson que nous clôturons notre séquence anniversaire. Il est 11h10 et j'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui sont venues nombreuses les week-ends des 22 et 23 avril à nous rendre une petite visite à la station dans le cadre de l'opération Wallonie Weekend. Bienvenue, ça fait toujours plaisir. Et on repart maintenant, on poursuit l'émission en repartant dans les années 80 et plus précisément en 1989. Cette année-là, le célèbre groupe punk rock Les Ramones est invité par l'écrivain Stephen King à écrire la chanson titre de l'adaptation cinématographique de son roman Pet Sematary. Stephen King, c'est l'écrivain de très nombreux livres d'horreur qui vous ont probablement déjà fait frémir. Et si vous n'aimez pas lire, vous avez par contre probablement déjà vu une adaptation d'une de ses œuvres, soit à la télévision, soit au cinéma. Mais Stephen King, c'est aussi un admirateur de longue date des Ramones. Et c'est la raison pour laquelle il s'est adressé à eux pour composer et réaliser ce titre. Et on peut dire qu'avec l'aide du compositeur et producteur Daniel Ray, les Ramones se sont plutôt bien acquittés de cette tâche. Ils ont en effet réalisé une chanson aussi inquiétante que le sujet du livre. Et pour la vidéo, c'est pareil, les Ramones En effet, dans ce clip, traverse un cimetière sous la pleine lune avant de se faire enterrer vivant sous les regards peinés de leurs très nombreux amis. Under the octopus where the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Les Ramones, Pet Sematary, sur l'album de 1989, Brain Drain. Et on poursuit dans la veine rock pour retrouver une de ses figures emblématiques, Tom Petty, à ses débuts, et dire qu'il a failli ne jamais percer avec ses Heartbreakers. On le retrouve ici en 1976, et c'est à ce moment-là, en effet, que sa carrière et celle de sa formation ont réellement, ont véritablement pu démarrer. Tout avait en effet plutôt mal commencé. Au début de sa carrière, il a beaucoup galéré. Au début de sa carrière, il a beaucoup galéré et il devra attendre plus de 8 ans entre la création de son premier groupe appelé Mudcrutch et la sortie d'un premier album éponyme en 1976 avec les Heartbreakers. Et là encore, tout fut loin d'être simple. Vu le lamentable échec d'un premier 45 tours qui avait précédé la sortie de cet album, et qui était encore crédité au groupe Mudcrutch, le responsable du label Shelter, chez qui Tom avait fini par décrocher un petit contrat, décide de mettre momentanément au placard ce premier album de Tom Petty, alors que celui-ci était pourtant déjà mixé. Et il a décidé qu'il fallait tout reprendre à zéro. Et ce n'est que quelques mois plus tard qu'il finit quand même par le sortir. Mais malheureusement, l'échec sera véritablement cinglant. Seulement 6500 exemplaires vendus en 3 mois, vous imaginez. La carrière de Tom Petty semble alors définitivement finie, avant même d'avoir véritablement débuté. Mais heureusement pour lui, Denny Cordell, qui a réalisé ce nouvel album, a continué à croire dur comme fer en ses poulains et il les a envoyés en tournée avec une autre vedette rock, Nils Lofgren. Il les a envoyés en Grande-Bretagne. Et là, au miracle, l'accueil s'est révélé véritablement très enthousiaste. Comme quoi, c'est bien connu, nul n'est prophète en son pays. Jugez plutôt. En juin 1977, l'album de Tom Petty and the Heartbreakers, l'album éponyme, entre dans le top 40 ainsi que deux des 45 tours extraits de l'album que nous allons maintenant écouter. Il s'agit de Anything That's Rock and Roll et American Girl. Some friends, some enemies, they're both through the night. Rockin' birds, steady to the C'était donc Tom Petty and the Heartbreakers avec American Girl, extrait de l'album éponyme de 1976. Voilà, et pour suivre maintenant une autre figure marquante du rock, j'ai cité le guitariste Duane Allman. Nous le retrouvons ici également au début de sa carrière. C'est un des guitaristes les plus doués de sa génération. Mais sa carrière fut malheureusement écourté suite à un accident tragique, accident de moto en 1971, 2 ans après la fondation du groupe qu'il a rendu célèbre, The Allman Brothers Band. Et ce groupe, il l'a fondé avec son frère Greg. Et c'est encore et toujours à l'heure actuelle le groupe le plus, un des groupes les plus célèbres de Southern Rock, de rock sudiste. Et c'est une formation qui a connu à l'époque un immense succès. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi, d'une certaine manière, contribué au succès de nombreux artistes, notamment d'artistes de musique soul. Et c'est un peu par hasard, et pour suivre l'exemple de son frère Greg, que Duane a commencé à apprendre la guitare. Et puis, progressivement, son amour pour la musique s'est amplifié avec le temps. Et un événement va considérablement influencer le cours de sa vie. En 1959, c'est après avoir assisté avec son frère à un concert de B.B. King qu'il est convaincu d'avoir trouvé sa voie et qu'il décide alors de se lancer dans une carrière de musicien. Et peu de temps après, il arrête même ses études pour rester chez lui à jouer de la guitare. Il commence alors à se produire sur scène et dès 1961 avec de petits groupes locaux. Et à la fin des études de Greg, en 1965, les deux frères forment ensemble plusieurs groupes et prennent la route. Et ces groupes permettent notamment à Duane de se mettre en valeur et de se faire progressivement connaître. Et c'est ainsi qu'en 1968, qu'il est repéré par un certain Rick Hall, alors patron du jeune label et du studio d'enregistrement Fame, situé Muscle Shoals en Alabama. Considéré comme un jeune guitariste prodige, Duane est recruté comme soliste pour la fameuse Muscle Shoals Rhythm Section. C'est un groupe de musiciens de studio attachés à ce label qui a la particularité d'être majoritairement composé de blancs et d'accompagner principalement des artistes noirs, parmi les plus réputés du moment, issus essentiellement du monde de la soul music. Il y a par exemple Wilson Pickett dans la reprise du hit des Beatles Hey Jude. Je n'ai malheureusement pas l'enregistrement avec moi. Et ce solo de Telecaster qui figure dans cette reprise de Hey Jude par Wilson Pickett sidère aussi un certain Jerry Wexler, un des patrons du label Atlantic Records. Et c'est comme cela que dans la foulée, il l'invitera aussi à collaborer avec des artistes comme Clarence Carter dans The Road of Love, Aretha Franklin dans The Waits, King Curtis pour Games People Play et Boss Keggs dans l'extraordinaire Loan Me a Dime. Tous des titres que je vous propose maintenant de redécouvrir, à commencer par Clarence Carter, The Road of Love, la route de l'amour, de l'amour. Baby, I ain't going down that road of love by myself. myself. Now if you won't go with me, baby, I guess I just have to get somebody else. Oh, darling, I hope you feel the same way too. As long as we have each other, I'll have your love to see me through. And oh, baby, let's walk together hand in hand. Oh, baby, baby, baby, let's walk together hand in hand. Oh, Lord, and you can be my little woman. Hey, À l'instant, nous avions King Curtis Games People Play qui clôturait notre petite séquence consacrée à Duane Allman au début de sa carrière et à la contribution qu'il a eue dans le développement de carrière d'artiste de musique soul. Encore toutes mes excuses pour le petit blanc, mais le téléphone n'arrête pas de sonner ce matin. Voilà. Nous allons, enfin comme je l'ai précisé tout à l'heure, Duane Allman a aussi participé à la réalisation de l'extraordinaire Loan Me a Dame de Boss Keggs. Après avoir tenté d'enregistrer un album solo, Duane finira, enfin après cette aventure de collaboration, et il tentera d'enregistrer un premier album solo, mais il finira par rappeler son frère Greg et ensemble ils décideront de fonder The Allman Brothers Band avec le succès, le destin que l'on connaît. Voici précisément Boss Keggs et Loan Me a Dame, 12 minutes 30 de pur bonheur que nous écouterons en entier. Et il n'y a que sur RQC que l'on vous offre cela sans publicité de surcroît. I know But at that time, I just didn't understand. I know she's a good girl, but at that time, I just didn't understand. Somebody loan me a dime. You know I need a helping hand. Thank you. C'était donc Lon Miodim Boss Cags avec de superbes solos de guitare de Duan Allman au début de sa prodigieuse carrière. Et un autre musicien prodige dans son domaine, un autre guitariste, c'est Mark Knopfler. Et aussi un des fondateurs de la formation Dire Straits, que nous retrouvons maintenant en 1979. Dire Straits vient alors de réaliser un deuxième album intitulé Communique. Moins facile que le précédent, il n'en consolide pas moins la popularité du groupe. Et le titre d'ouverture de l'album, Once Upon a Time in the West, avec sa longue introduction de guitare planante et modulée, est un des titres qui établit définitivement sa réputation, la réputation de groupe d'album, qui sera d'ailleurs admiré aussi bien par le milieu des musiciens que par le grand public. Tous, en effet, apprécient les effets relaxants de cette musique. On finira d'ailleurs par baptiser le groupe Dire Straits les Pink Floyd des années 80. Un beau compliment, non ? Yeah. c'est ta musique, tes sensations, ta génération. Et tant qu'on en est à évoquer la carrière de guitariste extraordinaire, voici celui qui a eu, à mon sens, la carrière la plus longue et la plus impressionnante de tous. Enfin, elle n'est pas encore totalement finie. J'ai cité Monsieur Eric Clapton. Nous sommes à la fin des années 80 et la chaîne musical MTV lance alors sous l'appellation Unplugged le format de concert enregistré en live pour la télévision avec uniquement des instruments en acoustique. La série des Unplugged MTV démarre officiellement le 26 novembre 1989, mais elle ne prendra réellement son envol que grâce au passage de Paul McCartney en janvier 1991. Et l'apparition de l'album qui en résulte donnera à MTV Unplugged définitivement ses lettres de noblesse. Et le 16 janvier 1992, c'est au tour d'Eric Clapton de s'illustrer dans ce format. Il ne croit pas du tout au succès de ce genre d'album, et dans un premier temps d'ailleurs, il demande même qu'il ne soit publié qu'en édition limitée. Mais au final, il devra s'incliner face au succès rencontré et la présence en version acoustique de Leila de titres comme Tears in Heaven n'y est certainement pas étrangère. On débute notre séquence, l'album du jour, avec un des titres de ce brillant album, Unplugged, Old Love. Living in the Past, l'album du jour. Never learn. Oh, love. En 1992, Eric Clapton, des Yardbirds, des Cream et The Blind Faith, trois formations dans lesquelles il a joué au début de sa carrière. Cet Eric Clapton-là est bien loin. Il s'est aussi, sur le plan personnel, détaché de l'héroïne et de l'alcool. Et ce concert de 1992 est enregistré dans des studios de télévision à Bray, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Et il y livre une collection de chansons très personnelles et en profite pour montrer ou remontrer tout son amour qu'il a pour le blues. Voici Running on Faith. Can a poor boy do? But my world would be right. Love comes over me. Lately I've been talking in my sleep. Can't imagine what I'd have to say. Said my world would be right. Love comes back away. Love comes over. Voilà, j'espère que vous continuez toujours à avoir beaucoup de plaisir à nous écouter sur les ondes d'RQC. On va poursuivre ce parcours du disque Unplugged d'Eric Clapton pour nous souvenir que lors de l'enregistrement de ce concert, Clapton est alors âgé de 47 ans et pour la première fois en public, il portera des lunettes. Il s'assied sur une chaise dont il ne se lèvera qu'à la fin du concert pour saluer le public. Et sur cet album, après une courte mise en bouche instrumentale baptisée Sign, Clapton se lance sur Before You Accuse Me, une reprise d'un vieux blues de Bo Diddley. Et sur ce morceau, seul son fidèle lieutenant Andy Fairweatherlow l'accompagne à la guitare. Midi moins 5 sur les ondes d'RQC. Well, you ready? Yeah. Okay. Thank you very much. Say go. suit you, I think I lose my mind. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women, you're taking money from someone else. Voilà, Before You Accuse Me, Eric Clapton sur l'album Unplugged. Il est midi passé, c'est normalement venu le moment de nous quitter, mais bon, comme je n'ai pas totalement terminé la présentation ou la redécouverte de cet album mythique, on va faire une petite prolongation à titre purement exceptionnel. Et sur cet album, Clapton choisit de proposer aussi une version acoustique de Layla, un de ses titres mythiques sorti 22 ans plus tôt avec Derek and the Dominoes. Vous connaissez peut-être l'histoire de la chanson. En 1970, Clapton s'était pris d'une certaine Patti Boyd, la femme de son ami George Harrison. Cela est devenu une obsession chez lui et Clapton s'est identifié à Manjoon, le fou amoureux du long poème classique du persan Nizami. Il s'agit d'une sorte de Roméo et Juliette en mode oriental. Logiquement, Patti devient Layla. Et pour cette version acoustique de Layla, Clapton est entouré de musiciens qu'il connaît bien. Il s'accompagne d'une Martin de 1939, avec laquelle on le voit d'ailleurs sur la pochette de l'album. See if you can spot this one. Say we'll never find a way. Tell saying, darling, please get up. Darling, won't you ease my worry, man? Hey, love, got me on my knees, Layla. Hey, darling, please, Layla. Darling, don't you ease my worry. Voilà, c'était donc la version acoustique du célèbre titre de Clapton, Layla. Et un des titres phares de l'album, c'est aussi assurément Tears in Heaven. Un an plus tôt, en 1991, Eric Clapton est malheureusement touché par un drame familial affreux. Son fils de 4 ans, Connor, qui a temporairement échappé à la surveillance de sa gardienne, est tombé du 53e étage d'un gratte-ciel de New York, pétri de douleur. Le guitariste écrit alors « Tears in Heaven », des pleurs au paradis. Et au final, cet album Unplugged vaudra à Eric Clapton 6 Grammy Awards, l'équivalent des Oscars de la musique rock, et il se vendra l'album à la première année à 6 millions d'exemplaires, et aujourd'hui on estime que plus ou moins 26 millions d'exemplaires de cet album ont été vendus de par le monde. C'est avec ce titre Tears in Heaven que nous allons nous quitter. J'aurais aimé encore pouvoir vous passer quelques nouveautés, mais bon, je vous les réserve pour l'émission du 22 mai. Et pour rappel, je serai aussi au poste 8 jours plus tard, à titre exceptionnel, pour donc le 29 mai, pour une nouvelle émission Living in the Past. Pour l'heure, voici Clapton toujours avec Tears in Heaven. Salut, bye bye à tous, portez-vous bien. Thank you.